plus que l'or. L'amour de l'or, c'est la banqueroute de l'amour. L'amour, c'est de l'or, c'est le plus grand des trésors. Plus on en a, plus on aime ça le donner. Moins on en a, plus on aime ça le garder. Dans le coffre fort, avec son cœur et son or. Toi, tu ne possèdes rien. De la valeur avec son cœur, c'est partager la vraie richesse d'exister.